ya be fini beni Sur vérité ya embouti Monsieur ya be fini beni Sur vérité ya embouti Tombe mon passé tombe mon bala C'est pas pour ça pour faire plus que ça Tombe mon passé tombe mon bala Pour ça, pour ne faire plus que ça. Chaque jour, tenter son seul causé. Est-elle trouvée malade couchée? Chaque jour, tenter son seul causé. Est-elle trouvée malade couchée? La demander et ça dit rien. Yo dis mon cher, qu'est-ce que la demander et ça dit rien. Allez donc. Monsieur m'a dit nos bagailles. Avec quelqu'un là. C'est pas pour dire qu'on a donc petit la fièvre. Mon petit tête fait mal. Au moins, qui vous dit, ou malade tout ça. Quelqu'un là, alors cherchez le roi. On va en dire qu'on prend quelqu'un là. Mais qui j'en prends, c'est même qui va être tout quelqu'un là, oui. Parce que, en principe, il y a des livres, il y a une fille ouverte devant vous, ou pas faites pour lui là-dedans. Ou pas faites pour lui. Parce que, vous mettez ouvert le livre là, vous mettez défaité, vous mettez l'île, ou pas bien comprendre ça là-dedans. Parce que le livre sort dans la bibliothèque, femme, non, c'est femme qui fait. Mon autre bagage plus important. Regardez camarades là. J'ai pas de travail à faire, pas bon. Avec j'ai pas bon. Pas que n'est-ce que jouer domino. Garçon qui aime jouer domino. Non, jouer domino, jouer domino. Bons amis. Qui fout son coup 6. Comme j'ai répondu, il va rien tout si ça doit répondre. Qui répond? Alors, on l'autre bagaille, c'est pas moi, on l'autre bagaille, plus important, j'ai fait. On l'autre bagaille, il fait, plus important, qui tue l'air. Son air qui va le travail. Il va jamais dormir les soirs. L'autre dit l'eau, nos affaires, papa va dormir. Pour qui s'adorme, il devait bouger comme ça. Qui s'adorme, il devait bouger. Il va jamais dormir, et puis son sale bagaille. Des fois, l'entrée de la caille, il va devoir le propre. Si j'ai dit ma grande monsieur. Sept heures, attendez. 8 heures, attendez. Elle fait 10 heures, mais regardez. De tout bagage, regardez, voici, regardez. On n'a pas compris pour vous écoler. Voici, tu veux qu'on enlève, on lève la droite à gauche. Il sent-il, on va dire, sent-il ta. Il sent-il ta. Comprends-moi. Eh ben, qu'est-ce que c'est là? C'est qu'est-ce que c'est? Bon, prends pour le son, prends pour le son, petit point. Chal Kali